et salut, on s'en va. Nos taxis sont en bas. 55 jours, 55 nuits, presque 2 mois de vraie folie. On a tous un amour sublime, caché dans sa mémoire intime. Chaque homme a sa musique à lui. 55 jours, 55 nuits. On a tous une passion perdue, un rêve qui n'est pas revenu, des souvenirs pour toute une vie. 55 jours, 55 nuits. Et salut, on s'en va. Nos taxis sont en bas. On fait comme on s'était promis. Pas une minute après minuit. Chacun reprend sa vie normale. La parenthèse était géniale. Le hasard ne revient jamais. Personne ne pleure, tout le monde le sait. Caché dans sa mémoire intime, chaque homme a sa musique à lui. 55 jours, 55 nuits. On a tous une passion perdue, un rêve qui n'est pas revenu, des souvenirs pour toute une vie. 55 jours, 55 nuits.